nous bâtards. C'est le pino bâtard. C'est le pino bâtard. C'est le pino bâtard. C'est le pino bâtard. C'est le pino bâtard. C'est le pino bâtard. C'est le pino bâtard. C'est le pino bâtard. C'est le pino bâtard. C'est le pino bâtard. C'est le pino bâtard. C'est le pino bâtard. C'est le pino bâtard. C'est le pino bâtard. C'est le pino bâtard. C'est le pino bâtard. C'est le pino bâtard. C'est le pino bâtard. C'est le pino bâtard. C'est le pino bâtard. C'est le pino bâtard. Je lève le niveau, je m'attraque. On baisse nos rivaux, c'est du sang, pas du sirop. Donc baisse le rideau, ma caille. Je garde ma tête de Nico Dracaille. Esquive les coups de ma glide. Je suis un gars honnête. Bah ouais, sur la tête des couilles de ma femme. Nique les patrouilles, j'ai pas le time. Il neige partout, c'est fatal. C'est trop tard quand ton cerveau a senti chatouiller la balle. On va pas faire le tube de l'été. Le cœur froid comme une nuit d'hiver. Les rappeurs, quand on parle de léger, j'ai l'impression qu'ils savent tout s'y faire. Tape un flirt avec Lucifer. Tu peux bêtement finir au cimetière. La faucheuse, elle fait juste son taf, elle ne choisit pas les critères. Dans mon cœur des trous, des cratères. Je pète les plombs, t'es fou, je vais pas me taire. Je veux faire du son en perfusion jusqu'à ce que je trouve des artères. Je veux te voir te rouler par terre, comme si ton corps était en feu. Nique les jaloux, les envieux, qu'ils aillent se toucher la verge. J'ai la dalle, j'ai l'écran, faut qu'on pète le gigot. Au lieu de parler des faux, vas-y, check le binôme. J'ai la dalle, j'ai l'écran, faut qu'on pète le gigot. Au lieu de parler des faux, vas-y, check le binôme. C'est le binôme bâtard. C'est le binôme bâtard. C'est le binôme bâtard. C'est le pino bâtard, c'est le pino bâtard, c'est le pino bâtard, c'est le pino bâtard, c'est le pino bâtard, c'est le pino bâtard, c'est le pino bâtard, c'est le pino bâtard, c'est le pino bâtard, c'est le pino bâtard, c'est le pino bâtard, c'est le pino bâtard, c'est le pino bâtard. Si c'est des pitons, le fera pas, le piton parle mal, le piton le fracasse, c'est le pino bâtard. Ton icône ta star, vas-y monte ta chatte, l'encre inonde la page, c'est monte sa jacque. On domine sur tous les terrains, au pire on s'adapte. On a commencé, on était que des petits mômes, ça date. Aucun vécu, regarde à qui se combat. La concurrence, j'y combat. Ni qu'on se connaît, je ni qu'on se parle. Testez mon collègue, ni qu'on parle. Tu manques de rien, toi, de plat, tu frère. On débarque équipé de battre fraîche. C'est pour mes têtes cramées, pour délit de faciès. Je continue, je m'en fous que mes délires de faciès. Je vais venir rabattre, je crois, faut que je trouve de l'état. Connu les rabats, je vois les troubles faits. J'avoue la mettre dans le terre. Je fous la merde, je gamberge. Nique les metteurs en scène. Je suis passé maître, j'enseigne. Ici pour un billet vert, ça tire. Tu meurs versatile. Pense à ton fils si tu pars. Combien de larmes versera-t-il? Bienvenue là où les meurtres m'a qui en suicide. Où la liberté d'éphémère demande à ma qui en sursis. J'ai toujours voulu être le best. J'écris au feeling et je te baisse. Cauchemar en cabine, Philippe et je baisse. C'est le pino bâtard. C'est le pino bâtard. C'est le pino bâtard. C'est le pino bâtard. C'est le pino bâtard. C'est le pino bâtard. C'est le pino bâtard. C'est le pino bâtard.